Chapitre 13e. Madame attend monsieur. Paulin Broquet et Lamorce ne parlèrent pas, naturellement, de ce qui s'était passé dans la serre, dans cet étrange et perfide pavillon de cristal. Toutefois, Lamorce le révéla à Gabriel qui, lui, saurait garder cet inquiétant secret. « La villa, dit Lamorce à son ami, doit être entièrement machinée comme cette serre. Dans mon passage rapide, je n'ai pu, malgré ma bonne volonté, en découvrir l'agencement. C'était impossible, surtout avec ce nègre qui se collait à moi, me soufflait dans le dos et ne me quittait pas de son œil. Je sentais la massue de ses poings prête à m'écraser au moindre mouvement douteux. » Gabriel, après un instant de réflexion, dit à son compagnon « Je crois, comme toi, que nous n'arriverons à rien en essayant d'entrer de cette façon dans la maison. C'est mon avis, et sans qu'il m'en ait rien dit, je pense que c'est aussi celui du chef. » Il nous faudra, si nous voulons décidément poursuivre l'enquête, passer par un tout autre chemin. Lequel ? Le bas de la villa est, cela ne fait aucun doute, aussi machiné que le pavillon de cristal. J'en ai peur. Mais il est dans les maisons, et surtout dans les villas, une partie de l'immeuble qu'on ne protège pour ainsi dire jamais, le toit. Tu l'as dit. Je crois que pour pénétrer dans la villa de la femme rousse, il faudra passer par les combles. Oui, mais comment y accéder à ces combles ? En ballon ? En aéroplane ? Ça ne me paraît pas d'une facilité extrême. Non. Il ne faut pas songer à grimper le long des gouttières, des conduites. Tout cela doit être chargé d'électricité. Ou bien on ne pourra les tenir, ou bien ils donneront l'alarme. Lamorce et Gabriel se mirent à chercher le moyen de pénétrer dans une villa si bien défendue. À dire vrai, malgré leur ingéniosité, ils ne trouvaient rien. Les moyens de défense, de protection de cette maison étaient si nouveaux, si imprévu, que leur esprit inventif se trouvait pour le moment complètement en défaut. Paulin Broquet revint au cirque comme de coutume. Il rencontra Mécédon, la salua, lui parla, lui fit les compliments ordinaires d'habitués à la jolie artiste, mais rien dans les paroles, rien dans le sourire, rien dans le regard ne pouvait donner à penser aux étrangers que quelque chose s'était passé entre la gymnasiarque et le détective. Et Paulin Broquet lui-même pouvait se demander si seulement Miss Eden se souvenait encore de l'avoir eue, un soir, si bizarrement comme convive. Cependant, plusieurs fois, Paulin Broquet, pendant que Miss Eden s'apprêtait à paraître en piste, poussa jusqu'à la villa inviolable de la plus belle des femmes. Il arrivait promptement dans son auto avec ses hommes. Et chaque fois, un hasard singulier voulait que dans le voisinage il y eût quelqu'un, soit des autos attendant les maîtres devant les portes d'autres villas, soit des passants, soit même le nègre Big, qui derrière la porte montait la garde, guettant le signal de la voiture de sa maîtresse, ou bien Miss Eden qui rentrait du cirque beaucoup plus tôt qu'on ne s'y attendait. Depuis quelques jours, en effet, Miss Ida, sortant de piste, enveloppée dans son grand manteau, ne remontait même pas dans sa loge pour se changer. Elle sautait dans sa voiture et sortirait, disant à Fungetti, trop curieux, à Eugenio qui s'en inquiétait, « Je suis très fatigué. J'ai hâte de me plonger dans l'eau et de dormir. » Elle se trouvait à Boulogne comme le public sortait encore du cirque où on l'avait tant applaudi et elle surprenait tout son monde. Bref, ce furent chaque jour des courses inutiles pour Paulin Broquet. Mais il était doué d'une patience que rien ne pouvait lasser. Il ne renonça pas à pénétrer chez Miss Eden et à chercher chez elle la solution de ce problème angoissant qui lui tenait tant à cœur qu'il voulait à toute force connaître. « Nous aurons bien notre heure, » disait-il après chaque échec. « Il faut qu'elle sonne. » Gabriel et Lamorce, un jour, dans son cabinet, après s'être entre eux bien entendu pour lui poser cette question, osèrent lui demander « Chef, admettant que nous arrivions à trouver le moyen, le loisir, l'assurance de pénétrer à notre aise dans le parc de Mécédon, comment ferons-nous pour entrer chez elle, si le bas de la villa est si étroitement, si mystérieusement gardé ?» Paulin Broquet regarda ses deux lieutenants et en souriant leur dit « Ah, vous ne trouvez pas le moyen de passer par le toit ?»« Non, chef, » répondirent-ils, surpris de voir leurs pensées deviner. « Eh bien, mes garçons, nous y passerons quand même. »« Bien, chef. » Désormais tranquille, persuadé que du moment que Paulin Broquet avait dit qu'on passerait, on devait passer, ils ne se cassèrent plus la tête à chercher le moyen de le faire. Le chef l'avait certainement trouvé. Un soir de gala au cirque, Miss Eden devait être retenue plus longtemps que de coutume. Paulin Broquet crut l'occasion favorable et voulut tenter une seconde fois l'aventure. La chance le favorisait dès le début. Il faisait ce soir-là un fort mauvais temps. La journée il avait plu, et après une éclaircie, la pluie s'était remise à tomber de plus belle. Paulin Broquet et ses hommes se rendirent donc à Boulogne. Ils ne trouvèrent, comme ils le souhaitaient, personne, ni auto, ni passant, autour de la villa mystérieuse. Sauter le mur, prenant encore cette fois les précautions que nous connaissons, fut pour Paulin Broquet et son second, l'amorce, l'affaire de quelques minutes. Avant de descendre de l'auto, Paulin Broquet passa autour des épaules de l'amorce un paquet de cordes minces. Lui-même se lesta d'une charge pareille. En plus de sa canne à bout de cuivre, indicatrice d'électricité, Paulin Broquet portait un autre appareil que ne connaissait pas l'amorce et dont il ne devinait pas l'usage. Sans encombre, comme la première fois, les deux détectives traversèrent le parc et arrivèrent devant la maison. Plus que le premier soir, la nuit, tout à fait obscure, épaisse, favorisait leur tentative, et le vent qui sifflait à travers le feuillage, le bruit incessant de la pluie, les secondait admirablement. Ils pouvaient agir dans l'ombre, sans gêne, sans crainte d'être trahis par leur voix. « Donne-moi la corde, » dit Paulin Broquet à son second. Pendant que l'amorce se débarrassait de son fardeau, Paulin Broquet déployait l'appareil qu'il portait. Cet appareil, jusqu'ici, avait une vague ressemblance avec un assemblage de cannes à pêche. Mais au lieu de réunir bout à bout les fragments, Paulin Broquet en enfonça fortement deux assez longs dans un troisième plus court et légèrement recourbé comme une poignée de bec de canne. Ce troisième bout, pour recevoir et maintenir les deux autres, était muni à l'une de ses extrémités d'une armature de fer. Les trois branches étaient en bois très léger, très résistant. L'appareil, maintenant monté, formait une façon de grand Y. Aux deux cornes de cet Y, Paulin Broquet attacha une forte corde de caoutchouc roulé, ayant en son centre une pochette. En un mot, c'était en grand une fronde semblable à celle dont se servent les gamins pour chasser les moineaux. Dans sa poche, Paulin Broquet prit une balle en caoutchouc plein qu'une vis à double oreille traversait. À l'une des oreilles de la vis, il amarra un bout de fil de laiton, mince mais très solide, et qu'il ne pouvait, comme l'eût fait une corde de chanvre, se brûler, s'user, se couper au frottement possible. La balle en caoutchouc était très lourde, mais en tombant sur une pierre, une dalle, une assise solide quelconque, elle devait rendre son mat et sourd, qui ne pouvait trahir comme l'eût fait le choc de tout autre projectile. À l'autre bout du fil de laiton qui s'enroulait à terre, en ordre et régulièrement comme un câble de marin, Paulin Broquet attacha le bout du paquet de cordes dont il s'était chargé et qu'il avait, dès le début, déposé également à terre, en bonne ordonnance pour le déroulement. C'était une échelle de fibres d'aloès. L'aloès a ce privilège de se tisser admirablement, de se serrer plus que le chanvre, d'être imputrescible et de présenter sous un petit volume une force de résistance inouïe. Une chaîne de cordes en fibres d'aloès était beaucoup plus maniable, plus souple, moins lourde et infiniment plus sûre que la fameuse échelle de soie des amoureux romanesques et des ténors de l'ancien répertoire. Quand il eut bien joint les unes aux autres ces diverses cordes de laiton ou d'aloès, Paulin Broquet dit à son lieutenant « Maintenant, mon garçon, passe de l'autre côté de la maison. Tu verras où tombera la balle. Si elle touche le toit, elle rebondira quand même, mais peut-être un peu plus loin. Sinon, elle descendra tout près de la maison, vers le milieu. « Bon, chef, en tout cas je la verrai. J'apercevrai le fil du laiton. » Une fois que tu auras la balle, tu tireras doucement à toi et tu attacheras ensuite la corde d'aloès à un tronc d'arbre. Puis tu attendras. Compris. L'amorce passa donc de l'autre côté de la maison, c'est-à-dire vers la façade, car Paulin Broquet se tenait ici devant le fameux pavillon de cristal dont il gardait un souvenir d'abord épouvantable, puis d'un charme exquis. Quand Paulin Broquet eut calculé que l'amorce devait se trouver à son poste, il mit la balle de caoutchouc dans la pochette de sa fronde. Il tira fortement sur le câble de caoutchouc tordu, visa, et lança la balle, qui partit en sifflant et en entraînant le fil de laiton, dont les anneaux à terre se déplièrent admirablement les uns après les autres en quelques rapides secondes. Paulin Broquet attendit, puis il vit tout à coup la corde d'aloès qui remuait. Un de ses anneaux à terre se défit, entraîné par la main invisible de l'amorce, puis un second, un troisième. Paulin Broquet suivait ce départ de la corde avec satisfaction. Son stratagème avait réussi. Il avait calculé la longueur à donner à la corde pour que l'échelle qui la suivait atteignît la hauteur du toit de la villa. Il ne s'était pas trompé dans son estimation, car lorsque l'amorce, ayant cessé de tirer la corde, l'eut attachée à un tronc d'arbre, l'échelle, dont quelques échelons seulement touchaient terre, dépassait en haut la corniche et gagnait les ardoises de la toiture. Alors, Paulin Broquet tira sur cette échelle de corde pour s'assurer que l'amorce avait tout établi comme il fallait. Puis il mit le pied sur les derniers échelons, pesa à diverses reprises sur eux, vérifia la solidité de leur attache. Alors il accrocha le bout de l'échelle, touchant terre, à sa ceinture pour la remonter avec lui, ne pas la laisser pendre, afin qu'on ne l'aperçût point, qu'on ne lui tombât point sur le dos, ou qu'on ne lui coupât point la retraite. Et il commença l'ascension, prudemment, lentement, sous la pluie tombant plus fort, sous le vent qui le balançait, le faisant tournoyer comme une araignée au bout du fil, ou le plaquant sur le mur. Enfin il arriva au toit, et il remonta définitivement l'échelle qui pendait et fouettait derrière lui. Le plus difficile de la tâche n'était pas accompli. Il lui fallait maintenant marcher sur le toit, où l'eau giclait sur les tuiles glissantes. Paulin Broquet sentait avoir des pattes de chat. Il s'agrippait là où tout autre n'eût pu se tenir. Ainsi il gagna le long de la corniche une mansarde, ou plutôt une ouverture, un œil de bœuf, qui, selon ses présomptions, devait éclairer un corridor, un départ d'escalier. Il ne se trompait pas. Ouvrir cette fenêtre, passer et sauter dans la maison fut pour lui un jeu. Paulin Broquet adorait ce genre d'expédition. Il aimait s'avancer ainsi dans l'inconnu à travers le péril traître, l'embûche sournoise, et courir au-devant du danger que rien ne pouvait faire prévoir, et contre lequel il lui était à peu près impossible de se prémunir. Paulin Broquet pouvait ici tomber dans une cage d'escalier ou d'ascenseur insoupçonné. Il n'osa allumer sa lampe électrique pour savoir où il se trouvait, où il s'élançait. Toutefois, avant de sauter dans la nuit, il sonda la profondeur de ce vide. Il s'y prit au haut de la seule façon qu'il eût à sa portée, simple, vulgaire, si vous voulez, et que vous m'excuserez de rappeler ici. Il cracha à terre. Et autant que mit sa salive à atteindre un sol quelconque, il évalua la hauteur à laquelle il se trouvait de ce sol. Ce fut bref, donc le plancher était tout prêt. Rassuré, Paulin Broquet pénétra définitivement dans la maison, et derrière lui, pour éviter tout courant d'air qui eût fait claquer une porte et pu donner l'alarme, il ferma prudemment l'œil de bœuf par lequel il était entré. Une fois sur ce plancher, sur ce palier, il chercha à s'orienter, et tournant le dos à l'œil de bœuf, il fit quelques menus pas en avant, prudemment, cherchant un mur, la rampe de l'escalier. Au moment où il mettait la main sur cette rampe, comme s'il avait pressé sur une commande, d'un coup, toute la maison, plongée dans l'obscurité complète, s'éclaira. Sur le pas de l'escalier, devant Paulin Broquet, apparut un valet de pied qui, en anglais, avec l'accent nasillard des Américains, pria le détective de le suivre jusqu'au salon où Miss Eden l'attendait. Paulin Broquet, qui ne se démontait jamais, qui en aucune circonstance de la vie même la plus imprévue ne perdait de son sang-froid, très calme, posément, souriant, descendit, précédé du valet de pied, cet escalier qu'il avait eu tant de mal à gagner par le plus dangereux, le plus illogique des chemins.